Je m'appelle Liberté et rien ne peut m'arrêter. Et rien ne peut m'arrêter. Qui vient derrière moi sera toujours protégé. Sera toujours protégé. Et je vole avec les oiseaux dans un air plus pur que vous pouvez imaginer. Je nage avec les poissons plus nu que la vérité, plus nu que la vérité. Quand il pleut sur la terre, et quand il pleut sur la terre, je danse avec la pluie, je danse avec la pluie. Si bien que le soleil est donné, oui, se mérite à briller, c'est pour ça que je suis bronzé, de la tête aux pieds. Je m'appelle Liberté, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Qui vient derrière moi sera toujours protégé, sera toujours protégé. Les esprits faits d'argent, les esprits faits de palice, ne pourront me retrouver, ils sont sans liberté. Prisonniers de leurs mensonges, prisonniers de leur idéologie, prisonniers de leur argent, prisonniers de leur style de vie. Ils sont sans liberté, ils ne pourront me deviner. Les esprits faits de palice, les esprits faits d'argent, ils sont sans liberté. Je m'appelle Liberté, et rien ne peut m'arrêter, et rien ne peut m'arrêter. Qui vient derrière moi sera toujours protégé, sera toujours protégé. Il vous trouve du talent, il vous découvre alors que vous étiez déjà bien là. Quand si c'est qu'il vous jette dans les prisons des télés, vaut mieux pas être aimé de ces gens-là. Ils sont sans liberté. Vous faites des prouesses, utilisez le potentiel gigantesque qui trône en chacun de nous. Hors du carcan des règles, sans justification réelle, qu'ils veulent votre succès, qu'ils veulent votre succès, en vous ligotant dans le vide de l'air. Vaut mieux pas être admiré de ces gens-là. Ils sont sans liberté. Incapables de vous trouver dans votre vraie vie, là où vous surpassez les possibilités habituelles. l'idée de vous rencontrer en vrai ne leur surgit jamais. Uniquement celle de vous coincer dans leur ratière sans issue. Ils sont sans liberté avec ces gens-là, avec ces gens-là. Tout le monde est perdant, et surtout elle, et surtout elle. Ils sont sans liberté. Même blessé, je m'appelle Liberté. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Qui vient derrière moi sera toujours protégé, sera toujours protégé.